Chapitre 10e. De retour à Saint-Jérôme, Herboan laissa son père entrer seul à leur demeure. « Reposez-vous, mon père. Je vais rechercher encore. Le soleil brille, ce sera plus aisé. »« De quel côté te diriges-tu ? » ?»« À gauche, sur la grève. » Le pauvre père pâlit. « Que crains-tu donc ? » bégaya-t-il. « Tout, » murmura sourdement le jeune homme. Et avec un profond soupir, il partit. La pluie avait cessé. Et n'eût c'était les larges flaques d'eau qui coupaient sans cesse le chemin, et la houle dont les vagues étaient agitées, rien n'eût rappelé la tempête de la nuit. Herboan, ne sentant pas sa fatigue, marchait vivement, poussé par une force mystérieuse qui l'excitait à avancer. « S'il est mort, c'est par là que je le trouverai !» se disait-il avec une étrange certitude qui lui donnait des frissons. Il connaissait les moindres replis de la falaise, et son pied avait vite fait de contourner les roches et d'explorer les multiples recoins des grèves. Jusqu'au fort de la Latte, ses recherches furent vaines, mais il s'y attendait. C'était là-bas, dans cette énorme trouée que les eaux de la mer ont creusée et qui s'avance si fort en avant dans les terres, qu'il avait l'affolante prescience de trouver quelque chose. Et à mesure qu'il s'approchait du trou de l'enfer, il sentait son énergie diminuer. Ses transes étaient même si grandes que plusieurs fois, il dut s'arrêter et se cramponner aux seuils des rocs pour ne pas tomber. Néanmoins, il marchait toujours, quoique pas à pas à présent. De loin, son regard scrutait le pied des roches. À un moment, il crut distinguer comme un corps étendu sur le sable à 100 mètres de lui. Il fut pris d'un tremblement nerveux. Son épouvante fut telle qu'il claqua des dents. « Pitié, mon Dieu » bégaya-t-il en sentant sa faiblesse. « Donnez-moi la force d'aller jusque-là. » Et les yeux mi-clos, n'osant plus regarder vers le point sombre du sable d'or, il avança, chancelant, avec de grands hoquets dans sa gorge contractée. Calice bien amer à boire jusqu'à la lie, véritable Golgotha à gravir, que ces 100 mètres qu'il eût fallu franchir pour arriver jusqu'auprès du corps écrasé, presque défiguré de son frère. Car son appréhension ne l'avait pas trompé. Yann avait accompli son infernale menace et s'était jeté de la crête au fond du précipice. C'était bien lui qui gisait là à ses pieds, tout ensanglanté. En apercevant le cadavre de celui qu'il avait tant aimé, pour qui il eût tout sacrifié, Herboan poussa un cri déchirant. « Yann !» Si lamentable, que les mouettes effrayées s'éloignèrent des blancs rochers autour desquels elles voletaient, et un vieux hibou de son trou fit entendre un long cri sinistre. À genoux près du corps, Herboan le tâtait, le palpait, comme s'il doutait encore. Les lèvres blanches, les yeux hagards, les cheveux hérissés, il bégayait avec désolation. « Frère aimé, ce n'est pas possible !» Ce n'est pas toi qui as pu faire cela, Yann, parle-moi. Dis, je suis fou, et tu vas me répondre. » Et soulevant la belle tête aux yeux fermés à jamais, et dont une large tache de sang figé au front faisait ressortir la blancheur, il la baisa passionnément, n'en sentant pas le froid de marbre. Mais son corps épuisé de fatigue, ses nerfs excités, tendus par tant de sensations mortelles, ne purent supporter plus longtemps son atroce douleur. Une pointe aiguë lui traversa les tempes, ses yeux se voilèrent, tout parut crouler autour de lui, et l'infortuné tomba évanoui, à moitié couché sur le cadavre de son frère. C'est dans cette position qu'une heure après, des ramasseurs de Varech trouvèrent les deux jumeaux, le vivant et le mort.